Dans les régions, soleil foncé, journée d'enfer pour les crops suivis. La gens qui court, la court dans l'âme, l'âme d'un homme qui roule. Oiseau d'arbres, sur les arbres du pas, du parc de mon saut, et toi, tu pars, tu vas loin, tu touches ma pas encore, pour la vie entière, serré au dehors. J'attends son père. Tu veux loin.